je reprends sur la virilité. Voilà. Le relais était là. Pour dire qu'éventuellement, on a des situations bien différentes hein, de la part de certains salariés qui, eux, voient bien leur virilité mise en cause par l'exposition au risque. Ça fera des dents blanches, mais ce n'est pas une qualité. Hein. C'est vu comme quelque chose de compliqué qui... je crois que je n'ose pas dire les formules que j'ai pu entendre, mais sur le fait qu'on pourra avoir une sexualité sans beaucoup de protection, parce que finalement, on n'en a pas impérativement besoin après ce qu'on vit là. Donc attention, la virilité, elle n'est pas chez tout le monde de la même façon. Donc c'est une question, la question du management, on va la retrouver. Mais là, elle distingue sûrement du haut et du bas, où dans le bas, ceux qui peuvent espérer le haut et ceux qui ne l'espèrent pas. Donc peut-être que adopter des discours plutôt va-t-en-guerre, c'est parce qu'on croit à sa bonne étoile et à réussir à grimper dans une hiérarchie qui ouvre quelques possibilités à certaines époques, dans certains cadres. Donc une remarque en passant, l'historicisation, il faut la faire pour la bombe, mais il faut la faire pour tout le reste. Donc on a l'impression d'une industrie qui n'a pas d'histoire. Donc il y a une histoire très courte, en fait, elle est très scandée et il faut prendre le temps de la regarder. Je peux développer si vous voulez, mais je crois que vraiment c'est un point très important. Je réponds à la question que vous posiez sur spécificité risque nucléaire et puis situation dans la pharma. Pour dire que je pense qu'effectivement, les différences sont pas très grandes. Alors, c'est vrai que ça se présente pas tout à fait de la même façon, mais vous avez vu que quand on a parlé des risques, des questions sur la pharmacie, on a mis en cause qui, bien sûr, les industriels du médicament, mais aussi les autorités de contrôle. Et sur le nucléaire, on a des choses de ce point de vue très voisines, où on voit des disputes, des manières de travailler à faire reconnaître sa légitimité de contrôleur dans telle ou telle activité. Alors évidemment le contrôleur c'est l'ASN, mais c'est aussi cette institution un peu particulière qu'est l'IRSN hein, qui est censée être le bras armé de l'ASN du côté de la recherche sur la sûreté nucléaire et la question de la radioprotection. Et je sais pas, je vais le dire en mots très simples, je crois qu'il y a des gens à l'IRSN qui doivent être assez ravis après coup de l'accident de Fukushima qui leur permet de dire des choses qu'ils avaient envie de dire depuis bien longtemps et qui désormais sont entendables. Donc regardons ça de façon très, très comparée peut-être à ce qu'on a sur la pharmacie, des autorités qui n'ont pas toute capacité de contrôle ou qui n'ont pas toute la capacité de parole sur le contrôle qu'elles exercent et qui profitent de l'occasion. Je vais être très concret, hein, au lendemain de Fukushima, vous avez entendu, parce que c'est la formule qui a été utilisée, qui a été prescrit des stress tests. Les mots complets sont francisés, sont plus complexes que ça. C'est évaluation complémentaire de sûreté. Bon, un des résultats des ECS, c'est de prescrire des choses sur le travail. Sur dire, attention les travailleurs, ça va pas de soi, il va falloir qu'on regarde ces choses-là de plus près. Donc je pense que les questions du travail, qui n'étaient pas très très abordées, elles sont abordées là, par des gens qui sont ravis de pouvoir dire, nous on savait depuis longtemps que c'était très important, et on peut en faire état, et ça rassure. Après, j'aurais bien des éléments de réponse à apporter à Pascal sur la question des matériaux, parce que alors là, je me dis, ce que tu as perçu et ce que j'ai laissé penser, il faut que je redresse beaucoup de choses de ce qui a été dit. Donc, c'est un univers de restriction d'information, le nucléaire. Oui et non. C'est un univers où il y a énormément d'informations. Le vrai problème, c'est de savoir les trier et de savoir se débrouiller avec ça. Donc, critiquer, être en capacité d'avoir un regard critique sur les informations disponibles, oui. Deux, les travaux de sciences sociales qui utilisent les situations critiques, c'est pas du tout que ce soit une mauvaise idée. Je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est les seules choses qu'ils arrivent à contrôler, puisqu'ils ont l'information produite par l'industriel, l'information produite par l'autorité de contrôle, l'information produite par les tribunaux, l'information produite par les acteurs plaignants quand ils sont sollicités dans ces cas-là. Donc il y a enfin une situation un peu de contrôle. Tout ça est vraiment très utile et très important. La restriction que j'évoque dans le livre, mais sûrement mal parce que je ne pensais pas qu'elle produirait cet effet, c'est de dire, attention, si on ne travaillait que sur ce matériau, ça aurait forcément un effet d'amplification de l'importance d'un certain nombre de problèmes. Mais c'est tout, hein. C'est pour dire, oui, il faut travailler sur ces matériaux, sauf que si on travaille que sur cela, on risque d'avoir un effet de déformation. L'observation directe est-elle la panacée? Surtout pas, même si évidemment j'ai fait un exposé qui disait que ça avait été un point important dans mon parcours, mais certainement pas pour dire ça, comme conclusion. C'est une solution de réponse quand un certain nombre de techniques ne sont pas maîtrisables, mobilisables dans ces situations-là. C'est une solution de contrôle d'un certain nombre d'informations qui circulent et dont je disais à l'instant qu'il fallait pouvoir les contrôler. Donc, on va pouvoir le faire. Mais si on s'en tient là, alors là, je pense que ça ne va pas non plus. Donc, il faut, et donc observer le travail, le sous-titre de l'ouvrage collectif, c'était quelque chose autour de approche combinée, ethnographie et histoire. Donc, voilà, je me suis coltiné du temps d'observation directe auprès de ces travailleurs du nucléaire, de la radioprotection, de la maintenance, de différentes situations. Mais je me suis aussi tourné 640 dossiers de personnel, 340 dossiers de logement. Bon, voilà, pour tourner de l'archive. J'ai mené des entretiens, j'ai utilisé bien d'autres notre façon de faire. Simplement, effectivement, ce qui s'est traduit par des publications spécifiques, c'était un peu autour des questions d'observation, donc bon, je pouvais en faire état. Alors, comment j'ai fait? Comment je peux rentrer dans cet univers-là? Un, j'y rentre quand je ne suis pas sociologue, je l'ai dit tout à l'heure, en y travaillant l'été. Deux, j'y rentre quand je deviens sociologue, c'est-à-dire classiquement par la formule du stage dans un service, où on fait quoi? Ben, fait de la radioprotection, je suis là à côté de gens qui travaillent, avec des gens qui travaillent, je ne travaille pas, sauf que pour certains qui me rencontrent là, ben, je dois faire partie du service, ils ne me connaissent pas complètement, donc je suis dans une observation participante à leurs yeux, enfin s'ils pouvaient le dire, ils me voient comme un participant, et puis pour d'autres je suis connu comme stagiaire. Ensuite je retourne vers ces boîtes de sous-traitance dans lesquelles j'avais bossé l'été, et cette fois en disant ben, je viendrai bien faire un stage universitaire dans le cadre de la préparation de ma thèse dans votre entreprise de sous-traitance, et comme votre entreprise de sous-traitance a pour commanditaire le donneur d'ordre qui m'intéresse, je deviens un travailleur ordinaire de la boîte de sous-traitance que la boîte loue, hein, dont elle loue les services au donneur d'ordre. Donc pour le donneur d'ordre, je suis un salarié ordinaire, pour la boîte de sous-traitance, je suis un stagiaire qui a le droit de dire bon, ça bon, j'ai passé une semaine là, est-ce que tu peux me déplacer ailleurs? Ça m'intéresserait bien d'aller à un autre endroit. Donc j'ai cette relative capacité à me déplacer sur l'univers, parce que je suis pour les uns en observation à découvert, et pour d'autres, je suis en observation incognito qui permet de voir certaines choses. Et puis, les phases d'observation sont... donc là, on a les principales, mais donc, quand je travaille au service du personnel à dépouiller mes dossiers de personnel, bah, évidemment, je mène quelques observations parallèles. Je suis attentif aux situations que cela me permet de rencontrer. Voilà peut-être des éléments qu'il fallait donner. Ah oui, sur Françoise Denabonne, encore une petite rectification. Nous aide-t-elle à mesurer les risques? Donc non, c'est vrai, elle ne nous aide pas à mesurer les risques, mais elle ne le prétendait pas. Simplement, ce qui me gênait, c'est qu'elle nous dit, je m'intéresse bien à la perception des risques, qui est ou qui n'est pas risque, peu importe, je veux savoir s'ils sont perçus, et que l'appui de sa perception, c'est le silence des gens. C'est pas très commode comme support, hein. Peut-être vrai. Mais c'est compliqué. On peut aussi dire, est-ce qu'elle l'a inventé, puisqu'ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas avec elle, et donc c'est bien la preuve qu'ils sont là. Bon, c'est mal commode. On aimerait quelque chose de plus solide comme manière de travailler là-dessus. Enfin, la solution, c'est l'épidémiologie pour une vraie mesure des risques. Oui, mais alors, il faut rappeler que les registres n'existent pas partout, qu'ils mettent du temps à s'installer, qu'il y a des contraintes de dépouillement, voilà. Donc, je pense que ces éléments-là, il faut les donner aussi pour compléter ce petit point. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour le premier tour.